Audiomatique. Yo. c'est sur la musique du projet montréalais Synthesthesia que s'ouvrait la transmission 399 d'Audiomatic. La pièce que nous écoutions se nomme Foam Culture et est tirée du deuxième album de Synthesthesia qui s'intitule Therapy et qui est sorti en 1995. Et sans attendre, nous poursuivons avec le compositeur uruguayen Eduardo Darnauchanz. place in eternity. A time of which no man is part of, except in soul. And in the ire of catastrophe, you wonder what will come next. Audiomatique, nous venons d'entendre DJ Shadow et la composition de Tiger, qui met à contribution le chanteur Sergio Pizzorno et le musicien Christopher Karloff, respectivement membres actuels et ex-membres du groupe Kasabian. La pièce que nous avons écoutée se nomme The Tiger et apparaît sur l'album The Outsider de DJ Shadow. Avant cela, c'était la formation Broadcast et la pièce titre de son album Tender Buttons, paru en 2005. Et on amorçait cette séquence avec la musique d'Eduardo Darnau Chance, un artiste de l'Uruguay de qui nous écoutions la pièce De los Relojes, une composition se retrouvant notamment sur la compilation America Invertida, qui regroupe des projets musicaux uruguayens de la scène left field, pop et folk expérimental des années 80. C'est maintenant au tour du collectif britannique Sew de se faire entendre à Audiomatic.

We'll be right back. Nous vous avons offert à Audiomatic la musique du projet américain The Crystal Method, qui a été fondé en 1993 par Scott Kirkland et Ken Jordan. En 2017, Ken Jordan a quitté le groupe, laissant Scott Kirkland seul à la barre de The Crystal Method. Donc, du plus récent album de The Crystal Method, intitulé The Trip Out, nous avons entendu le premier simple post-punk auquel participent DJ Hyper et Iggy Pop. Tout juste avant, il s'agissait du projet Perfume Genius, mené par Michael Alden Idrius, qui nous présentait la chanson Eye in the Wall, extraite de son sixième album studio Ugly Season, lancé le 17 juin 2022. Et en début de séquence, nous avions droit au collectif britannique Sue, qui s'orthographie S-A-U-L-T, et sa composition Solar de l'album Air, paru le 13 avril 2022. Cette transmission 399 d'Audiomatic se terminera sur la musique de la formation Moon Duo et sa pièce Lost in Light, apparaissant sur l'album Occult Architecture Volume 2, qui est en fait le second volume de la série Occult Architecture. Le volume 1 de la série présente Moon Duo sous son côté plus sombre et abrasif, alors que le volume 2 apporte des sonorités qui se teintent davantage de légèreté et de lumière. Alors, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc pour terminer Moon Duo et la pièce Lost in Light. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.